Donc, inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu, wa man yudlil fala hadiya lahu, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 17 dans l'explication du livre Fadl al-Islam avec le charh du Cheikh Saleh al-Fawzan. Et donc on est arrivé maintenant à l'explication d'un verset qui est mentionné par le Cheikh, qui est le verset 132 dans Surat al-Baqara. Le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit « Wa qawluhu ta'ala wa wassa biha Ibrahimu banihi wa ya'qubu ya baniya inna Allah astafa lakum uddin falatamutunna illa wa antum muslimun » Donc il dit, quand son Seigneur lui avait dit, soumets-toi, aslim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Il dit, je me soumets au Seigneur de l'univers. Ensuite il dit, et c'est qu'Abraham recommanda à ses fils. Et c'est ce que Abraham recommanda à ses fils, c'est-à-dire l'islam. Ok? Donc c'est ce que Abraham recommanda à ses fils. De même que Jacob. Ô mes fils, certes, Allah vous a choisi la religion, c'est-à-dire l'islam. Ne mourrez point donc autrement qu'un musulman, c'est-à-dire qu'un soumis à Allah. D'accord? Donc ça c'est pour mentionner que c'est la religion que Allah subhanahu wa ta'ala a choisie pour ses messagers et ses prophètes. Et les messagers ont enjoint à leurs enfants de suivre cette religion-là, comme Ibrahim et Yaqub. Donc le Cheikh Al-Fawzan il explique maintenant ce verset là. Il dit wa wassa biha ay bi kalimat at-tawhid. Ibrahim alayhi salam bi bani yani banihi Isma'il wa Ishaq wa Ya'qub. Wa huwa Ya'qub ibn Ishaq ibn Ibrahim alladhi huwa Isra'il. Wassa biha banihi aydan. Wassahum bi kalimat at-tawhid. كلمة الإخلاص لله عز وجل والتوصية معناها أن الموصي عند موته يوصي ذريته أو من حوله بتقوى الله عز وجل والوصية عند الفقهاء الإذن بالتصرف بعد الموت هذه الوصية وتكون بالأموال وتكون في الدين هذه الوصية وتكون بالأموال وتكون في الدين وذلك بالحث على التمسك بالدين فإبراهيم ويعقوب إبراهيم الذي هو أبو الأنبياء ويعقوب الذي هو أبو بني إسرائيل كلاهما أوصى ذريته بكلمة التوحيد والإخلاص لله عز وجل والدين الحق وهكذا يجب على الوالد أن يربي أولاده على طاعة الله وأن يوصيهم إذا حضره الموت بالثبات على الدين والبقاء على التوحيد وهذا من حرص الأبوين الكريمين إبراهيم ويعقوب على ذريتهما. Donc le Cheikh, qu'est-ce qu'il explique ici? Il dit wa wassa biha, c'est-à-dire que يعني Ibrahim il a indiqué à ses enfants la parole du tawhid. Lorsque la mort a approché d'Ibrahim, ainsi que la mort est arrivée proche de l'heure de la mort est arrivée proche de Yaqub. Donc qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont enjoint à leurs enfants et ils leur ont donné comme disons comme testament, qu'ils doivent garder cette parole du tawhid et de rester sur l'islam et de suivre cette religion là. Donc Yaqub, Yaqub c'est le fils de Ishaq, et Ishaq c'est le fils de Ibrahim. Donc Yaqub c'est aussi également, on l'appelle Israël, c'est lui qui est Israël, ok, Israël c'est lui. Donc lui aussi il a indiqué ça à ses enfants, il a enjoint ça à ses enfants. Il leur a enjoint quoi? La parole du tawhid, la parole de la pureté dans l'adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et al-tawsiya, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit al-wasiya, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque quelqu'un est proche de la mort, il va donner comme des gens de consignes à ses enfants. Des gens de consignes à ses enfants qu'ils doivent suivre. Et ces consignes-là, c'est comme par exemple de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la wasiya, c'est chez les fuqaha, chez les ulama de fiqh, quand ils le définissent, ils définissent que c'est de donner la permission à quelqu'un de régler ou de s'occuper de tes affaires après ta mort. Et ça, c'est ce qu'on appelle la wasiya, et ça peut être, une wasiya, ça peut être dans les biens, et ça peut également être dans, je ne sais pas ici s'il dit fiddin ou fiddin, mais probablement qu'il parle de ad-din, parce que ici on donne l'exemple de Ibrahim qui a donné, parce que al-amwal, ad-din, ça rentre dans al-amwal, donc c'est ça. Donc il donne une wasiya par rapport à ses enfants, par rapport à ses biens après sa mort, pour qu'ils s'en occupent de ses dettes ou de d'autres choses. Et il donne également une wasiya à quelqu'un par rapport à la religion, dans le sens que il les incite à s'accrocher à la religion. Et lorsque quelqu'un donne une consigne à ses enfants au moment de la mort, eh bien c'est quelque chose qui aura beaucoup plus d'impact et beaucoup plus de force qu'en temps ordinaire. Un homme peut donner une consigne à ses enfants en temps ordinaire et puis ils vont l'écouter, mais lorsqu'ils savent que leur père est sur le lit de mort et qu'il est près de la mort, ils vont entendre cette consigne-là, ça va rester beaucoup plus fermement écrit dans leur cœur. Donc c'est important, ce genre de wasiya. S'il ne peut pas la dire verbalement au moment de sa mort, il l'écrit, puis quand il va mourir, les enfants vont lire ça. Et ça va rester pour eux comme un genre de testament ou comme un genre de consigne qu'ils vont garder par la suite. Donc c'est important de garder ce genre de choses-là. Et donc, ici, il dit que Ibrahim, il a fait ce genre de consigne ou de testament pour ses enfants. Et Yaqub également. Donc Ibrahim, c'est le père des prophètes. On l'appelle le père des prophètes parce que c'est de lui que sont descendus tous les prophètes par la suite. Puis Jacob, il est le fils de Bani Israël. C'est-à-dire, il est le père de Bani Israël. On l'appelle Yaqub et on l'appelle Israël. Donc, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Masha'Allah. Donc, Abu Bani Israël. Donc les deux, ils ont enjoint à leurs enfants cette parole, c'est la parole du Tawhid. Donc il leur a dit, après ma mort, souvenez-vous du Tawhid et adorez Allah et n'associez rien avec lui. Aujourd'hui, qu'est-ce que les gens disent à leurs enfants avant qu'ils meurent? Parfois, ils oublient ces exemples-là de rappel qu'on doit faire. Par exemple, le tawhid. On voit que c'est Yaqub et Ibrahim qui sont deux grands prophètes qui s'adressent à leurs enfants, qui parmi eux, certains d'entre eux sont des prophètes aussi, et ils leur rappellent quoi? Le tawhid. Donc ça, c'est l'importance du tawhid, encore une fois. Aujourd'hui, les gens, ils disent, on est musulmans, on n'a pas besoin de parler du tawhid. On est déjà musulmans, on connaît déjà l'islam. Alors que eux, non seulement sont des musulmans, ce sont des prophètes. Et ils se rappellent de tawhid. Donc ça, c'est pour montrer l'importance du tawhid. Et al-ikhlas, c'est-à-dire d'avoir la sincérité dans l'adoration et la pureté dans notre adoration, hein, et dans la religion de vérité. C'est ainsi qu'il est obligatoire pour le père d'éduquer ses enfants. D'éduquer ses enfants sur l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de leur donner comme consigne, lorsque la mort arrive, de rester ferme sur la religion et de rester sur le tawhid. Hein? Et donc ça fait partie du désir ardent des parents, des deux parents qui sont des parents nobles et honorables, hein, Ibrahim et Yaqub, pour leurs enfants respectifs, c'est-à-dire de leur rappeler le tawhid. Donc chacun d'entre nous, Inch'Allah, ceux qui ont des enfants, hein, ils doivent, Inch'Allah, ils ont des enfants, faire un testament et écrire justement un message pour leurs enfants après leur mort, pour que ces enfants lisent ce message-là après eux, et ils vont savoir que leur père ou leur mère les ont encouragés à s'accrocher au tawhid et à la sunna et à l'islam, et ça va rester très fort dans leur cœur. Et en même temps, c'est un rappel aussi pour chacun d'entre nous de s'écrire un testament, parce que on ne sait pas quand on va mourir. On ne sait pas quand on va mourir, donc il faut en profiter. Le Cheikh il dit, ya baniya, hadha nida, inna Allah astafa lakum al-din, ay ikhtar al-tawhid lakum, li'annahum awladu l'anbiya, wa min zurriyati l'anbiya, فهم أولى أن يتمسكوا بها أن يتمسكوا بهذا الدين وأن يكونوا قدوة للناس فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون هذه وصية بالتمسك بالدين إلى الممات وذلك بالعمل به والثبات عليه والحذر مما يخالفه من البدع والشر والدعوة إلى الضلال فما دام الإنسان على قيد الحياة فإنه عرضة للانحراف واتباع الدعاة الضلال وإن لم يثبته الله واتباع الدعاة الضلال إن لم يثبته الله هذا فيه دليل على أن العبرة بالخاتمة فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون لله بالتوحيد. Donc le cheikh il commence à expliquer ici que quand dans ce verset-là, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne les paroles d'Ibrahim, quand il a dit à ses enfants, Ya Bunaya, ou Ya Baniya, ô mes fils, hein, Inna Allah astafa lakum al-din, Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour vous le tawhid, hein, parce que ce sont des enfants de prophètes. Donc Allah a choisi pour eux le tawhid. Ils sont les enfants des prophètes. Et parmi les enfants des prophètes, فَهُمْ أَوْلَىٰ أَنْ يَتَمَسَّكُوا بِهَذَا الدِّينِ. Donc, s'il y a quelqu'un qui mérite de s'accrocher à cette religion, c'est eux qui méritent encore plus de s'accrocher à la religion, puisque ce sont les enfants des prophètes. Hein? أَوْلَىٰ أَنْ يَتَمَسَّكُوا بِهَذَا الدِّينِ وَأَنْ يَكُونُوا قُدْوَةً لِلنَّاسِ. Et d'être un modèle pour les hommes. Donc, ils doivent être un modèle aussi pour les hommes, puisque ce sont des enfants de prophètes. Hein? Si des enfants de prophètes désobéissent et ils tombent dans l'égarement ou dans le shirk, c'est encore plus grave que les enfants de quelqu'un d'autre. Hein? C'est comme par exemple, quand des ulamas, ils sont des ulamas, ils ont des enfants des fois qui dévient du droit chemin. Donc ça c'est quelque chose parfois qui arrive, mais c'est quelque chose qui est étonnant quand on voit des choses comme ça, parce qu'on se dit à nous-mêmes, si ces enfants-là, comment ça se fait que ce sont les enfants d'un alim, un grand alim, et ils sont déviés? Eh bien, il y a l'exemple de Nuh, alayhi salam, que son propre fils, il n'a pas suivi dans le bateau lorsqu'il y a eu le déluge. Donc, des choses comme ça peut arriver, mais toujours les prophètes, ils donnent la consigne à leurs enfants de s'accrocher à la religion. هذه وصية بالتمسك بالدين إلى الممات وذلك بالعمل به والثبات عليه والحذر مما يخالفه من البدع والشرك والدعوة إلى الضلال. فما دام الإنسان على قيد الحياء فإنه عرضة للانحراف. Donc le cheikh dit cette consigne là, cette consigne là, cette consigne là qu'il a, que Ibrahim a donné à ses enfants, c'est quoi? C'est de ne pas mourir excepté qu'en étant en état de soumission ou en étant musulman. Hein, en étant musulman. Donc cette consigne là, c'est une consigne qu'ils doivent s'accrocher à la religion jusqu'à la mort. Et ça, c'est en appliquant cette religion et en restant ferme sur cette religion et en faisant en prenant garde de ne pas la contredire avec toutes sortes d'innovations et toutes sortes de formes de shirk et d'invitations à l'égarement. Donc tant que l'être humain, tant que l'homme encore en vie, il est toujours susceptible de s'égarer. Hein? Il est toujours susceptible de s'égarer et de suivre l'égarement des gens qui invitent vers l'égarement, si Allah ne le raffermit pas. Et donc, il y a dans ça une preuve que qu'est-ce qui compte en réalité, c'est notre conclusion, c'est notre fin. C'est ça qui compte en réalité. Parce que si tu as passé toute ta vie dans le tawhid, puis qu'avant de mourir tu rentres dans le shirk, ça n'a servi à rien. Donc le cheikh dit fala tamutunna, il mentionne le verset fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ne mourrez qu'en état de soumission ou qu'en état musulman. مسلمون لله بالتوحيد فالإسلام يراد به التوحيد وهو دين جميع الرسل وكل الرسل جاءوا بالتوحيد وهو إسلام الوجه لله عز وجل والإخلاص والابتعاد عن الشرك فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا حث على الثبات على الدين, على هذا الدين, وعدم الالتفات إلى ما خالفه, وفيه أن العبرة بالخواتيم وأن الإنسان بحسب ما يختم له من خير أو شر. وفي الحديث الصحيح أن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع, فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها, وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع, فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. العبرة بالخاتمة التي يموت الإنسان عليها, ولكن على الإنسان أن يعمل أعمالا تكون سببا لحسن الخاتمة, ويبتعد عن الأعمال التي تكون سببا لسوء الخاتمة. والأعمال كثيرة, والإنسان ما دام على قيد الحياة فهو معرض للانحراف والفتنة, وقد ينحرف ويموت على غير الإسلام. وهذا الحديث فيه الحث على الدين, على دين الإسلام والثبات عليه, وسؤال الله عز وجل حسن الختام. الشيخ explique, il dit donc, quand il dit Allah subhanahu wa ta'ala, ne mourrez pas qu'en étant musulman. Musulman, c'est-à-dire d'être soumis à Allah dans le tawhid. Et l'islam, donc, on veut dire par l'islam le tawhid en réalité, parce que c'est ça l'islam. L'islam, c'est le tawhid. Et c'est la religion de tous les messagers. Et tous les messagers sont venus avec le tawhid. Et c'est-à-dire de soumettre notre visage à Allah subhanahu wa ta'ala et d'avoir l'ikhlas, d'avoir la pureté et la sincérité dans nos intentions et dans nos actions, dans notre adoration, qu'on le fait uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et de se détourner du shirk. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Donc ne mourrez qu'en état musulman. Et donc ça, c'est une incitation de rester ferme sur la religion et de ne pas se détourner vers ce qui est en contradiction avec elle, ou avec cette religion plutôt. Et il y a également le rappel que qu'est-ce qui compte en réalité, c'est la fin de nos œuvres, comment on a terminé nos œuvres. Al-Khawatim. Le cheikh, il dit que L'être humain, il va être jugé selon ce qu'il a terminé, ce par quoi il a terminé sa vie, que ce soit du bien ou du mal. Donc, selon la fin de ses œuvres. Comme c'est mentionné dans le hadith sahih, qui est rapporté par Al-Bukhari, Muslim, selon Abdullah ibn Mas'ud, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'un d'entre vous va faire les œuvres des gens du paradis jusqu'à ce qu'il ne reste entre lui et le paradis qu'une petite distance. Et donc, ce qui a été écrit pour lui va prendre le dessus. Et il va se mettre à faire les œuvres des gens de l'enfer et il va rentrer en enfer. Et l'un d'entre vous va faire les actions des gens de l'enfer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une petite distance entre lui et l'enfer. Et ce qui a été écrit pour lui va prendre le devant et il va se mettre à faire les œuvres des gens du paradis, puis finalement il va rentrer au paradis. Donc ça c'est pour mentionner en fait que qu'est-ce qui est important dans la vie de quelqu'un, c'est en particulier la fin, qu'est-ce qu'il a fait à la fin de sa vie. Et étant donné que personne d'entre nous ne connaît l'heure de sa mort, eh bien ça implique en même temps qu'on doit tous rester ferme et faire attention pour justement qu'on meure sur l'islam en restant ferme sur la vérité. C'est ça. Donc l'être humain, il doit essayer de faire en sorte que les œuvres qu'il font, les œuvres qu'il fait, mashallah, tabarakallah, attends, viens. Viens. On va t'aider. Hein? Bon. Chacun d'entre nous, on doit faire en sorte que les actions qu'on fait soient des causes pour avoir la bonne fin. Hein? Parce que si quelqu'un fait des efforts et qu'il est sincère, Allah subhanahu wa ta'ala va l'aider justement à faire des œuvres qui vont être une cause d'une bonne fin pour lui. Et les œuvres sont nombreuses, les bonnes œuvres sont nombreuses. Et donc, un homme doit toujours essayer, tant qu'il est en vie, de faire des efforts pour rester droit et sur la droiture. Parce que tant qu'il est en vie, il peut toujours être une victime de l'égarement et de la fitna. Il peut s'égarer avant la mort et mourir sur autre chose que l'islam. Toi, aujourd'hui, tu es sur l'islam. Alhamdoulilah, tu es sur l'islam. Tu t'es converti à l'islam ou bien tu es né musulman. Donc, tu es dans l'islam. Mais il n'y a rien qui garantit que tu vas mourir sur l'islam. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire des efforts pour faire en sorte que tu restes accroché à ton islam jusqu'à la mort. Et de ne pas tomber dans les causes de déviation et dans les causes de fitna. Et donc ce hadith, il y a dans ce hadith le fait de... Il y a une invitation et une incitation à rester sur l'islam, la religion de l'islam, et à rester ferme. Et on doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala également qu'il nous donne la bonne fin. Ensuite, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a cité un autre verset. C'est le verset 123 dans Surat An-Nahl. Il dit: wa qawluhu ta'ala thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana min al-mushrikin. Donc qu'est-ce que ça signifie ça? C'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit: puis nous t'avons révélé de suivre la religion d'Abraham, hanifan, qui était un hanif, c'est-à-dire qui s'éloignait du shirk et qui se tournait uniquement vers Allah. Il n'était pas du nombre des associateurs. Le cheikh, il explique ça. Il dit: وفي وذكر الله جل وعلا أن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. قوله إن إبراهيم كان أمة يعني قدوة قانتا لله، القنوط المراد به المداومة على طاعة الله، أي مداوما على طاعة الله، حنيفا يعني مقبلا على الله في عبادته، معرضا عن عبادة ما سواه، ولم يكن من المشركين، كان بريئا من المشركين، أي تبرأ منهم كما تبرأ من أبيه وقومه، شاكرا لأنعمه، شاكرا لأنعم ربه عز وجل، لأن الله ذكر في هذه السورة في سورة النحل النعم وعددها، ولذلك تسمى سورة النحل أو تسمى سورة النحل بسورة النعم. أي نعم، ولذلك تسمى سورة النحل بسورة النعم، لأن الله عدد فيها النعم ليشكرها العباد. وذكر عن إبراهيم عليه السلام أنه كان شاكرا لأنعم الله عز وجل، وشكر النعمة هو التحدث فيها ظاهرا والاعتراف بها باطنا، وصرفها في طاعة مزديها ومولّيها. Donc ici le cheikh il explique ce verset et il dit donc que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset 120 et 121 qui sont les versets qui précèdent celui-là, le verset 123 qu'on a lu. Donc dans ces versets-là Allah subhanahu wa ta'ala il dit que Ibrahim était un modèle, un guide qui était obéissant à Allah et qui était hanif, quelqu'un qui se détourne du shirk et qui se tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne fait pas partie du nombre des mushrikins. Il était reconnaissant envers les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi et l'a guidé vers un droit chemin. Donc ça c'est le verset 120 et 121 dans surat An-Nahl. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il dit inna Ibrahim la kana umma, yani qudwa. Quand Allah il dit que Ibrahim était une umma, c'est dans le sens du terme qudwa. Hein? Et il était qanitan lillah. Il était obéissant. Al muradu bil qunut, al muradu bihi al mudawama ala ta'atillah. Donc al qunut c'est l'obéissance, mais quelque chose de plus que l'obéissance. Al qunut ça veut dire quoi? Ça veut dire yani persévérer ou persister dans l'obéissance. Donc de rester persévérant dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il était qanitan lillah, hanifan yani muqbilan ala Allah fi ibadatihi, mu'aridan an ibadati ma siwah. Hanifan, comme j'ai dit, il se dirigeait vers Allah subhanahu wa ta'ala uniquement dans son adoration et il se détournait de tout ce qui est en dehors d'Allah. Et il n'était pas du nombre des mushrikines. Il était innocent des mushrikines. Il se désavouait des mushrikines. Hein? Il disait que j'ai rien à voir avec les mushrikines. Je veux rien savoir des mushrikines. Donc il se désavouait d'eux. Ensuite, le cheikh il dit à propos du verset, il explique la suite. Shakiran li an'umi. C'est-à-dire, il était reconnaissant envers les multiples grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il était reconnaissant envers son Seigneur. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette surah, surat al-Nahl, il a mentionné de nombreuses grâces, plusieurs grâces. Et il les a énumérées dans cette surah. Et c'est pour ça qu'on appelle surat al-Nahl, al-Nahl ça veut dire l'abeille. Donc, cette surah, on l'appelle la surah de l'abeille. Sauf que on l'appelle également surat al-Ni'am, la surat des grâces, parce que dans cette surah Allah subhanahu wa ta'ala mentionne plusieurs grâces. Donc il les énumère et ça incite le serviteur d'Allah à être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala pour ses nombreuses grâces. Et il mentionne au sujet d'Ibrahim qu'il était reconnaissant envers les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de dire qu'on est reconnaissant envers les grâces d'Allah, ça implique qu'on mentionne, on en parle de ces grâces ouvertement et on les reconnaît intérieurement et on utilise ces grâces dans l'obéissance d'Allah, dans l'obéissance de celui qui nous les a données. Donc c'est ça ce que ça signifie d'être reconnaissant pour les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est qu'on en parle de ces grâces-là ouvertement quand Allah nous a fait une grâce. Et on les reconnaît intérieurement dans notre cœur et on utilise ces grâces qu'Allah nous a données pour l'obéissance d'Allah. D'accord? Et donc ensuite il dit, il explique le verset qu'on a lu. ثم أوحينا إليك هذا الخطاب هذا خطاب لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ولما صرف الله إبراهيم بهذه الصفات العظيمة لما وصف الله إبراهيم بهذه الصفات العظيمة التي ذكرت أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملته أي دينه ودين محمد صلى الله عليه وسلم وهو دين إبراهيم وهو دين الحنيفية السمحة دين التوحيد والعبادة والإخلاص لله عز وجل. Donc ensuite le cheikh il mentionne la suite du verset, puis Allah subhanahu wa ta'ala t'a révélé. Ça, c'est un discours qui s'adresse au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en premier. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala dit, puis on a révélé sur toi, c'est-à-dire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de suivre la religion d'Abraham, qui était un hanif, hein? Qui se détournait du shirk et qui adorait que Allah. Donc, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a terminé de mentionner les différentes grandes caractéristiques par lesquels il a mentionné au sujet d'Ibrahim, il a ordonné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de suivre ces caractéristiques-là et de suivre sa religion. Hein? C'est-à-dire de suivre la religion d'Ibrahim. Hein? La religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la religion d'Abraham. Et c'est la religion qu'on appelle Al-Hanifiyya, Al-Samha. Al-Hanifiyya, la religion des Hanifs, des Hunafa. Hein? C'est-à-dire la religion du Tawhid et de l'adoration pure et sincère uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. La religion du Tawhid, c'est ça l'islam. C'est la religion d'Abraham et la religion de tous les prophètes. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. Donc le cheikh explique ensuite un hadith. Il dit: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين وإن ولي أبي إبراهيم وخليل ربي. ثم قرأ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. Donc ça c'est un hadith qui est rapporté par Tirmidhi. Et dans ce hadith, on va lire l'explication du Cheikh Al-Fawzan, donc de ce hadith. Pour savoir exactement sa signification. Donc, il dit, ceux qui méritent plus de s'apparenter à Abraham, ça c'est le verset qui est mentionné dans le hadith. C'est le verset 68 dans Sourate Al-Imran. Ceux qui méritent plus de s'apparenter à Abraham et de dire qu'ils suivent Abraham, ce sont ceux qui l'ont suivi réellement. Et ce prophète, et ceux qui ont cru, c'est-à-dire ce prophète, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah est le wali, le protecteur des croyants. Le cheikh explique ce verset. Il dit, il explique le hadith et le verset. Il dit, فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام يتولى بعضهم بعضا بالمحبة والاقتداء والاتباع فهم سلسلة واحدة من أولهم إلى آخرهم يبشر أولهم بآخرهم ويقتدي آخرهم بأولهم ويتبع بعضهم بعضا هكذا هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ونبينا صلى الله عليه وسلم هو أولى الناس بإبراهيم. Donc le cheikh il explique ce hadith. Il signifie en fait que les prophètes, que la paix et le salut d'Allah soient sur eux, hein, ils s'aiment tous les uns les autres. Et ils se suivent tous les uns les autres. Ils sont des modèles les uns pour les autres. Ils sont comme une seule chaîne. hein, une chaîne qui, de prophètes qui se suit, du premier jusqu'au dernier. Et un annonce la venue de l'autre. Et le premier annonce la venue du dernier. Et le dernier suit l'exemple du premier. Et ils se suivent tous les uns les autres. Et c'est ainsi donc que les prophètes sont. Et notre prophète, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui le premier et celui qui mérite le plus, hein, de prétendre qu'il est ou de dire qu'il est, qu'il suit l'exemple d'Abraham. Il n'y a personne qui mérite plus de dire qu'il suit Abraham que notre prophète, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit: وَهَذَا رَدٌ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى يَقُولُونَ فاليهود والنصارى يقولون كان إبراهيم يهوديا والنصارى يقولون كان إبراهيم نصرانيا والله رد عليهم فقال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وأنتم أيها النصارى لم تتبعوه فأنتم بعيدون عنه فالنصارى يعبدون الصليب واليهود يعبدون عزيرا ويقولون عزير ابن الله ويعبدون العجل كما ذكر الله عنهم ويعبدون شهواتهم وهكذا هو دين اليهود فإبراهيم بريء منهم وبريء من اليهود والنصارى وهم لم يتبعوا إبراهيم عليه السلام فهم بعيدون عنه وإنما أقرب الناس إلى إبراهيم للذين اتبعوه من اليهود والنصارى لا الذين خالفوه وهذا النبي وهو محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا والله ولي المؤمنين فالله وليهم ينصرهم ويؤيدهم ويحبهم ويتولاهم فهو ولي المؤمنين خاصة ولاية نصر وتأييد وحفظ وإعانة وهناك ولاية عامة لجميع الخلق قال تعالى وردوا إلى الله مولاهم الحق يعني ربهم ومالكهم والمتصرف فيهم هذا ولاية عامة لجميع الخلق بمعنى الملك والتدبير والرزق أما الولاية الخاصة فهي للمؤمنين الذين اتبعوا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأولاهم بذلك هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأمته فهذا فيه رد على اليهود والنصارى الذين يزعمون أنهم على دين إبراهيم وهم كذبة ليسوا على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإنما هم على الشرك ودين الانحراف والتغيير والتبديل. Donc le cheikh il explique, il dit ensuite que ça c'est une réponse pour les juifs et les chrétiens. Les juifs ont dit Abraham était un juif, et les chrétiens ont dit que Abraham était un chrétien, hein? Et donc le cheikh il dit donc que Allah subhanahu wa ta'ala les a réfutés en disant Abraham n'était ni un juif ni un chrétien, mais il était un musulman, un hanif, et il n'était pas du nombre des mushrikins qui font le shirk. Et ceux qui méritent le plus de dire qu'ils suivent Abraham sont ceux qui l'ont réellement suivi, hein? C'est-à-dire, oh vous les chrétiens, vous ne l'avez pas suivi. Et vous, vous êtes très loin de l'avoir suivi. Parce que les chrétiens, on voit qu'ils adorent la croix et qu'ils adorent Jésus, ainsi de suite. Et les juifs, eux, également, ils adorent Uzair. Et ils disent que Uzair est le fils d'Allah. Et ils adorent le veau d'or. Ils ont adoré le veau d'or, ainsi de suite, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné. Et ils adorent également leur passion et leur désir. Donc ça c'est la religion des juifs. Et Abraham il est innocent de ce que ces gens-là ont fait. Il est innocent également des juifs et des chrétiens, et donc ils ne l'ont pas suivi, n'ont pas suivi Abraham, hein, parce que ils sont loin de lui, de ce qu'il fait et de son exemple. Et les gens les plus près de l'exemple d'Abraham sont ceux qui l'ont suivi. Parmi les juifs et les chrétiens qu'ils ne l'ont pas contredit, et ce prophète, c'est-à-dire notre prophète, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui ont cru, et Allah subhanahu wa ta'ala est l'allié et le protecteur des croyants. Allah subhanahu wa ta'ala est leur protecteur, leur défenseur et leur supporteur. Il les aime, il les défend, hein, il les prend pour alliés. Donc, il est l'allié des mu'minines en particulier, d'une alliance qui dans le fait qu'il les amène à la victoire, et il les supporte, il les préserve, il les protège et il les aide. Et il y a une autre forme de wilaya qui est une wilaya qui est générale pour la création en entier. Mais pour la wilaya qui est pour les serviteurs et les croyants, ça c'est une wilaya qui est particulière parce que c'est une wilaya ou c'est une wilaya qui a rapport avec la victoire, le support, la protection et l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est pas pour toutes les créatures, c'est uniquement pour les mu'minines. D'accord? Et ensuite, il mentionne le verset 30 dans sourate Yunus dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit les jami' al-khalq. OK. Donc ensuite le cheikh il dit donc que نعم بارك الله فيك ما شاء الله قال تعالى وردوا الى الله مولاهم الحق. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 30 dans sourate Yunus, ils ont été ramenés à Allah leur vrai maître. Ça c'est dans le sens de la wilaya, al-wilaya dans le sens de du fait qu'il est leur maître et leur seigneur et que c'est lui qui gère leurs affaires. Ça c'est qu'est-ce qu'on appelle al-wilaya al-am, du sens que Allah subhanahu wa ta'ala il est leur maître, hein. Ça c'est pour les croyants et les mécréants. Il est notre maître à tous, il est notre seigneur à tous, c'est lui qui gère toutes nos affaires, peu importe qu'on soit mu'min ou kafir. Mais quand on parle de la wilaya par rapport aux mu'minin, ça c'est une wilaya qui est particulière, puisque cette wilaya elle implique qu'il nous aide, il nous défend, il nous aime, il nous protège, hein, il nous préserve, ainsi de suite. Donc il faut faire la distinction donc entre al-wilaya qui est amma et al-wilaya qui est khassa. Il y a deux différentes. Donc ici le cheikh il explique, il dit donc que la signification de la wilaya qui est générale, ça veut dire que c'est pour toutes les créatures, dans le sens que il est le maître, c'est lui qui gère tout, c'est lui qui donne la subsistance, hein. Donc ça c'est al-wilaya al-amma. Amma al-wilaya al-khassa, donc en ce qui concerne celle qui est particulière ou spécifique, c'est celle qui est pour les croyants, hein, ceux qui ont suivi Ibrahim alayhi salam, et c'est eux qui méritent le plus cette wilaya. Wa bi hadha nabi également ce prophète, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sa umma. Et il y a donc ici une réfutation des juifs et des chrétiens dans ce qu'ils prétendent qu'ils sont sur la religion d'Abraham, alors que ce sont des menteurs, hein, parce qu'ils ne sont pas sur la religion d'Abraham, ils sont uniquement sur le shirk et sur la religion de la déformation, la falsification et du changement qu'ils ont, il y a la religion qu'ils ont changée et déformée. C'est pas la religion qu'Allah a envoyée à Ibrahim et aux autres prophètes. C'est pas le tawhid. La preuve, c'est qu'est-ce qu'on voit de la part des chrétiens et des juifs. La religion qu'ils pratiquent aujourd'hui, elle n'a rien à voir avec les enseignements des prophètes à leur époque. Et par exemple, Ibrahim, on sait que il n'adorait pas d'idoles. Les chrétiens, ils adorent des idoles. Les juifs, ils adorent des tombes, ils adorent des saints et des morts. La même chose, donc, ils font le shirk. Ibrahim faisait pas de shirk. Ibrahim, alayhi salam, il s'était circoncis quand il était déjà vieux, et ça c'était quelque chose que Allah lui a fait ordonner de faire. Les chrétiens, ils ont annulé ça, ils ne le font pas. Alors que ça fait partie de l'exemple d'Ibrahim. Et les juifs, ils le font, mais bon, ils ont renié les autres prophètes qui sont venus après, comme Moussa et comme Isa et Mohammed, alayhi salatu wassalam. Donc ça c'est des exemples, puis il y a beaucoup d'autres exemples aussi, des contradictions qu'ils ont avec les autres messagers, et avec le prophète, les prophètes. Ils ne le font pas religieusement, ils le font peut-être pour des raisons, ceux parmi les chrétiens qui se font la circoncision, ils ne le font pas religieusement, ils le font pour des raisons médicales ou des choses comme ça. Hein? Oh ouais, non, mais il y a une époque où ils le faisaient à tout le monde. Oh oui, il y a une époque où ils le faisaient à tout le monde, même si sans distinction. Puis après, ils ont arrêté de le faire. Ensuite, le cheikh, il dit donc, il dit, « هذا فيه دليل على أنه لا يكون وليا للنبي صلى الله عليه وسلم إلا من اتبعه. وليس هناك ولي للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لإبراهيم إلا من اتبعهما. والذين يزعمون أنهم يحبون محمدا صلى الله عليه وسلم وهم يخالفونه ويحدثون البدع والمحدثات ويزعمون أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم هذا كذب. لو كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم لاتبعوه وتركوا البدع والمحدثات والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. فالذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة هو الذي يتبعه، وهم الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. العبرة بالاتباع وليست بالدعوة. فالدعوة إذا لم يكن عليها دليل فهي باطلة. Donc le cheikh explique ici par la suite que ça c'est une preuve que personne est un allié du prophète excepté celui qui l'a suivi, ce prophète. Tu vas pas être un allié d'un prophète ou un quelqu'un qui est avec ce prophète, excepté si tu l'as suivi. Et il n'y a pas d'allié pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ni pour Ibrahim, excepté ceux qui ont réellement suivi ces deux prophètes-là. Donc ce n'est pas juste de dire, moi je suis sur la religion d'Abraham, ou je suis sur la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il faut que réellement tu suives leur exemple. Et ceux qui prétendent qu'ils aiment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam alors qu'ils contredisent sa religion et qu'ils inventent des innovations dans la religion et qu'ils prétendent qu'ils aiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est un mensonge. Et s'ils l'aimaient réellement, ils l'auraient suivi et ils auraient abandonné les innovations qu'ils font et les superstitions qu'ils ont inventées au sujet desquelles Allah n'a fait descendre aucune preuve. Donc celui qui aime réellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وهم الذين, et ce sont ceux qui ont cru en lui, hein, qui l'ont défendu, qui l'ont supporté et qui ont suivi la lumière qui a été descendue avec lui, c'est-à-dire qui a été révélée sur lui. Et ceux-là, ce sont ceux qui auront le succès. Donc, qu'est-ce qui compte, c'est réellement, c'est le fait de suivre le prophète. Et c'est pas juste qu'est-ce que tu prétends avec ta bouche, parce que les choses que tu prétends comme ça, si elles ne sont pas supportées par une preuve, alors elles n'ont aucune valeur, elles sont fausses. Ensuite, le cheikh il mentionne un autre hadith, qui est un hadith très important aussi. An Abi Hurayra radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. C'est-à-dire que Abu Huraira radiyallahu anhu, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas vos apparences et vos biens, mais il regarde vos cœurs et vos actions. Et ça, c'est rapporté par Muslim. Donc, le Cheikh Al-Fawzan, il explique ce hadith-là. Il dit, « هذا فيه أن العبرة ليست بالمظاهر والصور والأجسام وصور الأجسام وجمالها ولا في كثرة الأموال والثروات والغنى وإنما النظر إلى شيئين هما القلوب والأعمال فإذا كانت القلوب صحيحة سليمة مخلصة لله عز وجل وكانت الأعمال مستقيمة على شرع الله ودينه فهذا الذي ينظر الله إليه ويتقبله ويثيب عليه أما مجرد جمال الصورة وكثرة الثروة فهذا ليس عند الله له اعتبار قال تعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فهؤلاء هم الذين ينظر الله إليهم نظر اعتبار وقبول ورحمة. Donc, le Cheikh il dit ici que ici l'important dans ce, qu'est-ce qu'on comprend dans ce hadith, c'est que qu'est-ce qui compte réellement, c'est quoi? C'est pas les apparences des corps ou la beauté des corps, et c'est pas la quantité des biens ou de la richesse que tu possèdes qui compte, mais qu'est-ce qui compte réellement, c'est de regarder à deux choses, les cœurs et les actions. Si les cœurs sont propres et sont saints, ils sont sincères envers Allah subhanahu wa ta'ala, alors les actions, et que les actions sont droites et qu'ils sont en accord avec la révélation d'Allah et la religion d'Allah, alors ça c'est les actions que Allah va prendre en considération, qu'il va regarder et qu'il va accepter et qu'il va récompenser. Mais uniquement de regarder la beauté de l'apparence et la quantité de la richesse, ça, ce n'est pas quelque chose qui a une importance auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala ou qui a une considération auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala est mentionné dans le verset 37 dans sourate Saba. Et ce n'est pas vos biens ni vos enfants qui peuvent vous rapprocher plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et excepté, non, excepté celui qui a cru et qui a fait les bonnes œuvres. Excepté celui qui a cru et qui a fait les bonnes œuvres. Donc ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala va les regarder et va prendre en considération leurs actions. Va accepter leurs œuvres et va leur faire miséricorde. Tandis que les autres, non. Hein? Ensuite, le Cheikh, il mentionne un autre hadith. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ensuite, le Cheikh, il mentionne un autre hadith. Il dit, « وَلَهُمَا عَنْ إِبْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض ولا يرفع أن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني فأقول أي رب أصحابي يقول لا تدري ما أحدث بعدك. Ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. C'est un hadith qui est rapporté par Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que donc il va être à l'endroit où les gens vont se rassembler autour du bassin où les gens vont être abreuvés au jour de la résurrection. Puis il y a des gens qui vont être avancés vers eux, et lui il va se baisser pour leur donner quelque chose à boire, et puis à ce moment-là ils vont être éloignés ou rabaissés. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire: ô mon Seigneur, mes compagnons, et on va leur dire, ou on va lui dire, on va dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam: tu ne sais pas ce qu'ils ont inventé après toi. Ça c'est donc le hadith en question. Maintenant le cheikh Al-Fawzan il explique ce hadith. Il dit: et je pense qu'on va terminer avec ce hadith là pour aujourd'hui. Le cheikh il dit: في هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: أنا فرتكم على الحوض. الفرت هو الذي يسبق إلى الماء ليسقي قومه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يكون على حوض طوله مسافة شهر وعرضه مسافة شهر، ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، وآنيته عدد نجوم السماء، من يشرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، ترد الأمة يوم القيامة على حوض النبي صلى الله عليه وسلم وهم عطشان من شدة الحر وطول المقام، وهم بحاجة إلى الماء فيسقيهم صلى الله عليه وسلم بيده، إلا من كان قد غير دينه فإنه يصرف عن الحوض. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أي رب أصحابي. فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، يعني ما غيروا. فهذا فيه دليل على أن من ابتدع في دين الله وغير فإنه لا يرد الحوض على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرده إلا أهل التوحيد والاتباع، أهل التوحيد لله عز وجل والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، الذين لم يبدلوا ولم يغيروا، وعليكم السلام ورحمة الله، بل كانوا كما تركهم صلى الله عليه وسلم على البيضاء ليلها كنهارها. Donc le cheikh explique que dans ce hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit: je serai le premier d'entre vous au bassin ou à la fontaine, à l'endroit où les croyants vont être abreuvés. Al-Farat, ça signifie celui qui a précédé les autres là où il y a l'eau, et celui qui va abreuver son peuple. Donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il arrive au jour de la résurrection à un bassin. La longueur et la largeur de ce bassin-là, c'est la distance d'un mois. Donc la longueur, c'est un mois, et la largeur, c'est un mois. Et le liquide qui est dans ce bassin, c'est un liquide qui est blanc comme le lait et qui est plus sucré que le miel. Et les contenants avec lesquels on boit de ce breuvage sont plus nombreux que les étoiles dans le ciel. Et celui qui en boit une seule gorgée, il n'aura plus jamais soif après. Et donc la umma du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va arriver à ce bassin, et au jour de la résurrection, ils seront assoiffés à cause de la chaleur et à cause de la durée de l'attente, hein, au jour de la résurrection. Et donc ils ont besoin de boire, ils ont besoin de l'eau. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam va les abreuver de sa main. Excepté celui qui a changé sa religion. Celui-là, il va être éloigné, repoussé du bassin ou de la fontaine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire: Il va dire, oh Seigneur, ce sont mes compagnons. Et on va lui dire, tu ne sais pas ce qu'ils vont inventer après toi. C'est-à-dire ce qu'ils ont changé de la religion. Et donc ça c'est la preuve que... Et donc ça c'est la preuve que... C'est la preuve que celui qui a innové dans la religion d'Allah et qui a changé dans la religion d'Allah, qu'il ne va pas être accepté au bassin. Hein? Le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou la fontaine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que il a inventé et innové. C'est uniquement les gens qui étaient sur le tawhid et qui étaient sur le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-ittiba, c'est seulement ceux-là qui vont pouvoir boire de ce breuvage. Les gens qui étaient sur le tawhid d'Allah et qui suivaient l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui n'ont pas changé et qui n'ont pas changé ou déformé la religion par la suite. Ils sont restés tels que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les avait laissés. Ala al-bayda, sur la clarté, sa nuit est aussi claire que son jour. Donc ceux-là, ce sont eux qui vont pouvoir boire de ce breuvage dans cette fontaine au jour de la résurrection. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam va les abreuver. أما من غير وبدل فإنه وإن انتسب إلى الإسلام وإلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه في هذا الموقف يصرف عن الحوض فهذا فيه التحذير من البدع والانحراف والتغيير في دين الله عز وجل والتغيير في دين الله والضلال وفيه الحث على التمسك بالدين الصحيح والثبات عليه والصبر عليه إلى الموت حتى يرد على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يشرب من حوضه والاختلاج الأخذ بسرعة والمنع والطرد يطردون عن الورود. Donc c'est ça. Ikhtuliju, c'est-à-dire ils ont été enlevés rapidement et repoussés ou empêchés, chassés de boire dans ce bassin. Donc c'est ce que ça signifie. Ceux qui ont changé dans la religion, qui ont déformé les choses, même s'ils se disent musulmans et même s'ils disent qu'ils suivent le messager sallallahu alayhi wa sallam, alors à ce moment-là, ils vont être éloignés, repoussés, chassés de la fontaine ou du bassin. Et ça, il y a dans ça un avertissement contre les innovations et contre les déformations et les déviations et le changement dans la religion d'Allah et contre l'égarement. Et il y a également l'incitation de s'accrocher à la vraie religion et de rester ferme sur la religion et d'être endurant jusqu'à la mort sur cette religion. Pour que à la fin on puisse aller jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour qu'on puisse boire tu veux rester? Non, tu veux pas? D'accord. Pour qu'on puisse boire de cette fontaine et pour qu'on puisse être abreuvé et qu'on n'ait plus jamais soif par la suite. Donc on s'arrête ici, inshallah, pour aujourd'hui. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayh. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.